succès et personne pour les changer. Une fois de plus, du sang versé. Une fois de plus, des corps déchiquetés. J'aurais pourtant cru qu'une fois les élections passées, qu'on ne voyait plus rien, que c'était terminé. On parle de personnes ici qui ne savent rien. Et à ces gens qu'on pourrait sauver. Mais vaut mieux les regarder. La télé une fois éteinte, on va se coucher. On dort l'oreiller sur la tête. Et la voisine se fait violer. Et tu te demandes si tu choisis le chauffage au gaz ou au fioul. T'as peur que Noël ça tombe pas un 25 décembre. Si t'as assez de guirlandes, j'ai cru te voir sourire. T'as tout compris. J'ai vu encore une fille jolie, 19-20 ans, bénévole. Pour secourir d'autres personnes, il l'interviewait. Elle parlait de sa vie, entrait peu à peu dans sa vie intime. On commençait à la connaître. Et on la suit. Elle va sauver un militaire. Mais en marchant, une mine saute. Thank you.